give it to you if I might. You know I don't worry about a thing, 'cause I know nothing's gonna be alright. You know this world is just one big trouble spot, 'cause some have plenty and some have not. You know I used to be troubled, but I finally saw the light. Now I don't worry about a thing, 'cause I know nothing's gonna be alright. Where you stay, your goal is really up to you. And Are you an engineer working on a farm, or a Casanova with a whole lot of charm? It might be a mouse living in your kitchen, or it might be God trying to get your attention. Well, it might sound bad, or it might sound good. It might be made of steel, or it might be made of wood. Maybe it's just news on your television, or it might be God trying to get your attention. Well, it might be in the church house, or it might be on the street. Somehow or another, every soul has got to be. Well, it might be in the city, or it might be in town. One way or another, we're gonna find the higher ground. Well, you might be deaf, or you might be blind. Might look like a plan or a coalition, or it might be God trying to get your attention. Negative. Est-il infect mes rimes. Excuse, dis-moi si je suis correct. Dis-moi si je t'épuise, écris-moi encore. Si tu veux que je continue, mais dis-moi, arrête, c'est bon si t'en as plein le dos et que je t'endors. Et si mon art, tu vas bouger la tête, mec, et fais-moi tourner ton bédo, mais qui suis-je? Toujours aucune idée et bientôt fin d'une pige. Qui suis-je? Ça fait des années que cette question m'épuise. Qui suis-je? Spirituel, pourtant je ne vais pas à l'église. La métaphysique, c'est réel. Je veux et j'exige mon vœu de prestige. Tellement de sartos vocaux, appelle-moi Bilbo la voltige. Et tu peux me dire d'aller me faire voir, moi et moi ce que je dis. Mais tu peux pas m'empêcher de croire que les étoiles entendent ce que je dis. Savent ce que je dis depuis que j'ai l'âge de le dire. Le bien que ça fait, chaque balle verbale que je tire. Et je dégomme des tonnes et des tonnes, même si, ouais, je déconne, des fois je déconne et ça m'étonne. Même si je sais qu'on se ment les uns les autres, je sais qu'on fait des faux. Est-ce que ça vaut la peine de finir aux infos avec un flingue shootant dans la foule? Mais tu es fou, mais qui suis-je? Hein? Toujours aucune idée, déjà 27 piges, qui suis-je? Ça fait des années que cette question m'épuise, qui suis-je? Qui suis-je pour te donner des leçons, viser les millions, me prendre pour un champion? Qui suis-je pour viser le haut de l'affiche, le pouvoir et la richesse, ton sourire des miches? Qui suis-je pour te dire qu'il vaut mieux arrêter la tease, que finir dans ton vomi, c'est mon habit? Mais si tu veux pas finir vieux, bah fais ton bis. Après tout c'est ta vie, mais moi qui suis-je? Mm-hmm.

Yeah.